Sa voix par Clarisse Sandre. Confidence anecdotique, pas très catholique, mais sûre et véridique. Une nuit chaotique, je vécus une expérience mystique, d'une simplicité biblique, au ressenti extatique, à la vertu cathartique. Une chapelle peut être aussi en soi, me révéla une voix issue de lèvres que je ne vis pas. À une question, véritable obsession, j'eus également la réponse en révélation. Ni monts et merveilles promis, mais sensations sans pareil d'une voix perçue ainsi, non par l'indigne oreille, mais par l'esprit si petit. De surprise et de joie, je filai sans pas, mais à voir, je ne parvins pas. Pourtant avec certitude, sans nulle inquiétude, je sus que c'était elle, Marie, fidèle et bénie. Fille des Haridelles, c'est à tire d'elle qu'angoisse infernale et peur sépulcrale, en lumineuse béatitude et éternelle gratitude, volèrent vers elle. Tout là-bas, au-delà des toits, au ciel, où parfois, chargés de nos croix, nos prières suivent ses pas. Clarisse Sandre, 21 septembre 2022.